Excursion dans l'intérieur de l'île, Archangelos, Lindos, ses antiquités. Ce n'est point dans la cité seulement qu'il faut chercher les souvenirs de cette chevalerie héroïque qui prit naissance sur la terre où souffrit et expira le Christ, au foyer même de la foi la plus pure. Ce n'est pas seulement à Rhodes que se retrouvent les créneaux blasonnés par les grands maîtres de l'hôpital. L'intérieur de l'île offre aussi de tous côtés des vestiges intéressants de l'époque des chevaliers. Pour me former une idée de l'ensemble des travaux par lesquels l'ordre de l'hôpital avait assuré sa possession, j'entrepris une excursion au sein du pays. Cette exploration devait avoir deux résultats, me permettre d'apprécier de quelle façon le littoral avait été garanti contre les descentes des corsaires sarrasins, et me faire connaître Rhodes au point de vue de la culture et de son aspect géologique. J'étais curieux aussi de voir si je ne retrouverais pas quelques vestiges importants de l'antiquité rhodienne, ce que la place d'armes des chevaliers, non plus que ses environs, ne me laissait guère espérer. Après avoir marché avec un moucre, ou muletier grec, qui me fournit des mules, faute de chevaux qui ne se trouvent pas dans l'île, je me mis en route le 13 janvier 1844. Bien que nous fussions dans la saison rigoureuse, le ciel était pur et le soleil était chaud. Avançant au sud-est, dans un sentier qui serpentait au milieu d'une herbe verte et touffue, émaillée de fleurs, nous eûmes bientôt atteint le village de Dzimboli. Nous y passâmes au milieu d'une grande quantité d'hôtels votifs, tous de forme cylindrique, avec des guirlandes et des têtes de taureaux ou de béliers, souvent accompagnées d'inscriptions. L'importance que devait avoir cette localité dans les temps reculés semble prouvée par ces monuments. On y traverse un ruisseau dont l'eau excellente fournit aux besoins de la ville de Rhodes. Les anciens habitants, comme les chevaliers et plus tard les Turcs, l'y ont amené au moyen d'un aqueduc dont les arches, construites et restaurées, dénoncent les trois époques auxquelles les Rhodiens ont pourvu à la conservation de cet ouvrage hydraulique. Le paysage était charmant. Nous avions à gauche la mer, à droite, des collines qui se reliaient au premier contrefort du mont Artamiti qu'on voit s'élever au centre de l'île. Partout, le sol était orné d'une élégante et riche végétation à laquelle la douceur du climat assure un printemps perpétuel. Après avoir dépassé le petit village de Koskino, nous atteignîmes un pays montueux, couvert d'arbrisseaux peu élevés formant des bosquets épais, du milieu desquels se levaient fréquemment des oiseaux de toutes sortes et notamment des perdrix. Après 4 heures et demie de marche depuis notre départ de Rhodes, nous entrâmes sur le territoire de Frando, dont la fertilité me parut fort généreuse, en jugé par les cultures qui entouraient ce village et par les vergers remplis de beaux figuiers et d'oliviers entrelacés de vignes. Tout l'aspect de ce pays dénote chez ses habitants une grande aisance, et le voyageur a du moins sur cette partie de l'Empire turc la satisfaction de se trouver partout au milieu de populations chrétiennes. Quand nous eûmes dépassé Frando, il nous fallut gravir les pentes d'une petite montagne sauvage, rocailleuse, coupée par un torrent étroit et sans profondeur, mais dont les eaux, dans les grandes pluies, se répandent sur un lit très étendu qui n'offre à l'œil qu'un sol pierreux et dénudé. De l'autre côté de cette petite chaîne, l'une des ramifications du mont Artamiti, nous descendîmes dans une belle plaine riche de verdure et où la végétation qui la couvre fait autant d'honneur à l'industrie des habitants qu'à la richesse d'un sol pour lequel il n'y a pas de saison. C'était le district d'Archangelos, gros bourg bien bâti, propre, annonçant le bien-être. Je m'y arrêtais. Il y avait environ 7 heures que nous marchions, et nous ne pouvions trouver un meilleur gîte que celui qui nous fut offert par le chef du village, dont l'accueil nous promettait une hospitalité toute patriarcale. Archangelos est un des bourgs les plus importants de l'île. Au temps des chevaliers, il l'était déjà, à en croire le château d'assez belle apparence qu'on voit encore au sommet d'un mamelon qui domine le pays. Le voisinage de la mer, qui n'est qu'à quelques pas et dont le rivage est facilement abordable, exposait les habitants aux descentes des pirates musulmans. C'était en effet un danger qu'on n'évitait pas toujours, et la population de cette localité a eu beaucoup à souffrir de ces attaques soudaines, qui avaient pour résultat l'enlèvement des femmes et des enfants au milieu du tumulte et du pillage. L'ordre de Saint-Jean, dans le but de garantir cette partie de la côte contre les incursions des sarrasins, avait fait élever à l'est d'Archangelos un château crénelé où une petite garnison veillait au salut des habitants. Il fut commencé sous l'administration de Jacques de Milly, vers 1459, alors que préoccupé des périls que faisait courir la religion les menaces de Mahomet II, ce grand maître mit toutes les possessions de l'ordre en état de résister aux conquérants de Constantinople, qui faisaient trembler la chrétienté. La mort prématurée de Jacques de Milly ne lui permit pas d'achever le château d'Arcangelos, dont la construction fut continuée par Raymond Zacosta et ensuite par Jean-Baptiste des Ursins, ainsi que l'indiquent les armoiries de ces deux grands maîtres. Cet ouvrage est dans un état de délabrement qui semble prouver qu'il ne tomba aux mains des Turcs qu'après avoir soutenu leurs assauts. Le lendemain matin, à 9 heures, nous étions à Selles, et côtoyant quelque temps la mer, nous ne tardâmes pas à nous engager, par un chemin difficile, dans un réseau de montagnes dont les pentes justifiaient le nom charmant de Rhodos donné à cette île. Depuis l'Antiquité à qui elle le doit, jusqu'à nos jours, elle n'a point dégénéré sous le rapport de la végétation florissante qui couvre son sol. Ce n'était autour de nous que bosquets profonds et touffus de lauriers et de myrtes, auxquels des rhododendrons et des rosiers mariaient leurs fleurs embaumant l'atmosphère. Après avoir descendu les flancs boisés de la montagne, nous passâmes une petite rivière dont l'eau claire et caressante fit un sensible plaisir à nos montures, qui purent s'y abreuver et rafraîchir leurs pieds qui chauffaient le sol déjà brûlant. Au-delà, nous atteignîmes le village de Malona, dont les jolies maisons, blanches et carrées comme des cubes de marbre, s'apercevaient au travers d'une forêt d'orangers et de citronniers. Leurs fruits d'or remplaçaient alors ceux des figuiers et des mûriers, dont les branches soutenaient avec peine les longs festons des pampres dont les feuilles rougies par l'automne précédent laissaient pointer déjà des bourgeons verts. Heureuse île, charmant pays, où les arbres ne sont jamais sans feuilles, ni les jours sans soleil. À une demi-heure de Malona, nous passâmes devant Mazahari, et à notre gauche, sur le bord de la mer, dont l'azur foncé se montrait de temps à autre au-dessus de la côte, je reconnus un petit château perché sur la crête d'un rocher. Ainsi, ces gardiens vigilants de la chrétienté, au milieu du cercle d'ennemis qui les enserrait de plus en plus, avaient, de distance en distance, placé des postes garantis contre un coup de main pour protéger la côte et donner l'éveil à Rhodes dès qu'apparaissaient des voiles mahométanes. Nous marchâmes encore quelques heures avant les cimes du mont Artamiti au sud-ouest, laissant le village de Kalatos sur le flanc de la montagne, et nous arrivâmes sur un territoire couvert de ruines, de fûts de colonnes, de pierres de toute espèce. C'était le site de l'antique Lindos. Dans le roc, on voyait les traces d'un monument, d'un temple sans doute, qui avait été élevé, et dont les colonnes cannelées ainsi que les chapiteaux étaient d'ordre dorique. De petits hôtels votifs se mêlent à ces ruines, qui s'étendaient jusqu'au pied d'un hypogée, dont les triglyphes et les traces de pilastres cannelés signalaient une façade jadis fort belle. Il me fut dit par les gens du pays que 3 ans auparavant ce monument était encore bien conservé, mais des pluies abondantes étant survenues, elles ont creusé le roc en s'infiltrant par toutes les fissures, et l'entablement est tombé en entraînant avec lui une grande partie de la façade. À l'est sont les traces d'un théâtre dont les gradins avaient été creusés dans le roc, en avant d'un temple en marbre noir dont le soubassement existe encore. Si l'on en juge par l'étendue du terrain qui est jonché de pierres portant les traces de l'art antique, Lindos a dû être une grande ville. C'est d'ailleurs une conjecture conforme aux traditions de l'histoire, et si son antiquité est suffisamment prouvée par les restes d'architecture qui en ont conservé tout le caractère, son importance ne l'est pas moins par l'étendue et la nature des ruines que l'on y rencontre. La ville paraît avoir été jadis adossée à une colline qui descendait jusqu'au rivage, au fond d'une petite baie s'ouvrant à l'Orient et protégée par une langue de terre appelée Cap Saint-Jean. Quelques pêcheurs y retirent aujourd'hui leurs barques, mais le peu de profondeur des eaux devait être insuffisant pour les galères de l'ordre de Saint-Jean. Au reste, on ne voit pas, dans les écrits contemporains, que les chevaliers aient jamais formé aucun établissement maritime, ni que Lindos ait joué aucun rôle pendant leur occupation. La petite ville, ou plutôt le bourg moderne, s'étale au pied d'un rocher fort élevé qui porte à son sommet, comme un nid d'aigle, une forteresse à laquelle servent de racines les fondations plus que séculaires de l'antique acropole que couronnait le temple de Minerve. Par les nombreuses marches d'un long et rapide escalier, on arrive à des salles encore entières avec de grandes cheminées fleurdelysées. Des anges, peints à fresque sur leurs larges manteaux, y soutiennent la croix ancrée et le chapeau de cardinal de Pierre d'Aubusson. À côté se lisent, en caractère gothique quelques noms français, Regnault, Allard, Guichard, et d'autres écrits à la main, probablement par des hommes d'armes pendant les loisirs d'un jour de garde, ou peut-être par des soldats de la milice de Saint-Jean qui, après une défense désespérée contre les Turcs, au moment de mourir en combattant, ont voulu transmettre à leurs camarades le souvenir de leur dévouement. Plusieurs salles se suivent. On reconnaît celle des halbardiers, celle des chevaliers, le salon du gouverneur. On y recherche instinctivement la place où l'un appuyait sa lance, l'autre son arquebuse. Ici devaient être déposées les cuirasses et les gantelets, là les morions et les casques. Plus loin, sur les décombres de la chapelle à demi renversée, la porte est encore debout, grâce au bloc de marbre au profil antique dont elle a été faite. Partout, autour de ces restes de la domination des hospitaliers, on retrouve des tronçons de colonnes d'un grand diamètre, des portions de chapiteaux corinthiens, des autels votifs avec leurs têtes d'animaux et leurs guirlandes, ainsi que des inscriptions grecques. C'est tout ce qui reste du temple de Minerve. Le soleil, à qui cette île était consacrée dans l'Antiquité, projeta ses rayons ardents sur les temples dont on reconnaît les traces, longtemps avant d'éclairer la crèche où naquit le fils de Marie. C'est ainsi que le christianisme s'est approprié les débris échappés à la ruine du paganisme, de même que les musulmans ont transformé plus tard en mosquées les églises chrétiennes. Aucun point de cette côte n'offrait un lieu aussi propice à l'établissement d'une fortification, du haut de laquelle la vue pouvait se porter au loin vers les rivages de l'Égypte et dont l'escarpement présentait une défense inexpugnable à l'ennemi.